Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La commission Vérité et Réconciliation dit attendre la loi lui autorisant la poursuite des activités laissées par l'ancienne commission nationale, des terres et autres biens pour répondre aux veuves qui réclament des indemnisations pour les biens spoliés. On vous propose dans ce journal une série d'analyses sur la vie chère devenue actuellement intenable au Burundi à cause de la montée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Tous nos interlocuteurs, qu'ils soient de la société civile, des politiques ou des experts économistes, sont unanimes pour dire que le gouvernement devrait faire preuve de justice fiscale, ce qui pourrait booster les investissements étrangers au pays. Et une ordonnance ministérielle du 29 février dernier prolonge l'âge de la retraite à la limite de 70 ans. Les emplois concernés sont ceux qui présentent des particularités d'expertise, notamment l'enseignement, la santé et la recherche. Compte rendu de lecture de ce texte dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le gouvernement du Burundi est appelé à prendre des mesures qui permettent d'alléger le coût de la vie de la population par la réduction des taxes et impôts sur les produits de première nécessité. Propos du président de l'organisation Force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Folicon. Gérard Hakizimana trouve que le manque de devises est l'une des raisons de la montée en flèche de ces prix, malgré les efforts de la population dans l'augmentation de la production. On l'écoute dans cette traduction de Placide Niyomongere. Premièrement, au niveau de notre organisation, nous constatons aussi cette situation des prix sur le marché et nous saluons le combat mené par la population en vue de contribuer à l'augmentation de la production. Comme ça, ça permet aussi la réduction des prix. Ce que nous pensons que ça peut être à l'origine de ces prix élevés, c'est peut-être le manque de devises. L'autre raison, ce sont ces guerres entre les pays, comme celle entre la Russie et l'Ukraine, Israël et Palestine. Tout ça a des effets sur des échanges commerciaux, ce qui impacte aussi les prix des produits de première nécessité. C'est important que la société civile projette sur les répercussions suite à une telle situation, surtout en rapport avec le coût de la vie. Nous appelons la population à toujours suivre les conseils des dirigeants et le gouvernement de s'impliquer davantage afin de réduire les prix des produits de première nécessité et aussi les fertilisants. Il faut aussi que le gouvernement facilite les importations et s'assurer que les impôts et taxes appliquées sur différents articles sont proportionnelles au pouvoir d'autonomisation de la population. Nous demandons à tout un chacun de dénoncer toute malversation économique pour que l'argent disponible soit utilisé d'une façon transparente pour des fins précises et que les décideurs prennent aussi des mesures qui facilitent la vie de la population. Gérard Hakizimana, président de l'organisation Folicon. De son côté, l'expert économiste Diomède Nineretse trouve que pour faire face à cette inflation, le gouvernement devrait subventionner plusieurs secteurs de production, l'agriculture en l'occurrence. On l'écoute. Les mesures qu'il faut prendre pour le moment, c'est notamment subventionner l'agriculture, essayer de revoir à la baisse les prix des engrais chimiques ou organiques. C'est notamment effectivement la maîtrise du taux de change. Et cela, s'il n'y a pas la maîtrise du taux de change et la disponibilisation des devises pour certains produits, ça va toujours créer cette situation que vous observez. Mais aussi, je pense fondamentalement qu'il faut, encore une fois, assainir la coopération internationale pour qu'il y ait effectivement beaucoup d'appui de la communauté internationale pour qu'on puisse investir dans d'autres domaines de l'eau de production, notamment l'énergie. C'est vraiment important qu'il y ait cette reprise de coopération pour que nous puissions effectivement être sûrs de diminuer le prix le prix des produits de première nécessité. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont interdépendants. Il faut absolument tenir compte de tous ces facteurs et essayer de maîtriser pour qu'il y ait effectivement la stabilité des prix, mais aussi augmenter le pouvoir d'achat d'un citoyen ordinaire. Diomède Nineretse, économiste, et Faustin Dikoumana, économiste également, et directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution de mentalité, PARSEM, constate que le Burundi enregistre une tendance à la fuite des capitaux à cause de la hausse des taxes et impôts. Cela constitue pour lui l'une des causes de la hausse des prix dans le pays. Faustin Dikoumana trouve que le Burundi doit faire preuve de justice fiscale, surtout dans le secteur privé. On l'écoute. La politique fiscale est un facteur qui influence énormément le niveau d'investissement dans un pays. Parce que le niveau de la taxation a un impact sur les revenus des investisseurs. Si les taxes augmentent, les revenus des investisseurs ont tendance à baisser. Il y a aussi l'impact des taxes sur le niveau des prix. Et les prix peuvent augmenter suite à l'augmentation des taxes, alors que ça n'influe pas directement sur le revenu de l'investisseur directement. Et si les taxes augmentent, alors s'ils provoquent l'inflation, il y a tendance à la diminution du chiffre d'affaires des investisseurs, parce que quand les prix augmentent, les gens ont tendance à ne pas acheter les biens et services. Et c'est quand il s'agit même des produits non alimentaires, c'est un autre cas. Les gens peuvent se désintéresser purement et simplement d'acheter certains biens et services. C'est pour cela que ces investisseurs se trouvent devant des stocks invendus qui ne sont pas vendus, ce qui affecte largement leur niveau d'affaires. Actuellement, avec le niveau de la politique de change, l'arrêté des devises, la qualité des infrastructures et la concurrence déloyale non encore réglée, la justice et l'administration, actuellement, il y a beaucoup de facteurs aussi qui accompagne cette politique fiscale pour entraver le niveau de l'environnement des affaires. C'est pour cela que le Burundi est actuellement moins nanti au niveau des flux d'investissement direct étrangers. Or, au lieu que les capitaux entrent, il y a tendance que ces capitaux sortent. Or, nous ne saurons atteindre le niveau d'un pays émergent, un pays développé en 2040, respectivement en 2040 et en 2060, sans avoir un secteur privé efficace et dynamique qui est soutenu par les flux d'investissement étrangers qui entrent au lieu qu'il y ait fuite des capitaux. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM, et le président du parti IPRONA constatent que la vie risque de devenir intenable au Burundi si la situation économique ne change pas. Ils trouvent que les déclarations souvent faites par le gouvernement que tout va bien sont contraires à la réalité. Olivier Nkurunziza conseille plutôt au gouvernement de chercher des appuis financiers pour combler les manques et de mettre sur pied une commission d'experts en économie qui devrait proposer des voies de sortie pouvant éviter aux Burundais de tomber dans le gouffre. Les prix des produits de première nécessité ont monté ici sur le marché, et surtout les produits alimentaires. Et c'est vraiment très alarmant et il faut être vigilant parce que la vie devient intenable ici au Burundi. Même malheureusement que dans les différentes émissions, nous entendons que le gouvernement dit que tout va bien. Pour nous, au niveau du parti, nous constatons que c'est le contraire. Alors, ce que nous constatons, les facteurs surtout, c'est d'abord les carences des devises au Burundi. Autre chose, c'est la carence, et ça vient de passer plus de 2 ans. C'est difficile de stabiliser le produit pétrolier, surtout le carburant. Alors, si nous constatons tout cela, nous faisons appel au gouvernement du Burundi. C'est à lui de tout faire pour pouvoir chercher soit appui financier. Le rôle du gouvernement, c'est soit d'aller chercher, c'est pas de l'aide, je dirais l'aide, ou crédit, pour pouvoir appuyer le manque de monnaie pour acheter les produits de première nécessité. Mais aussi, il faut constater qu'au niveau du parti IPRONA, nous conseillons qu'il y ait une réunion des experts en matière d'économie pour faire une analyse de ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas au gouvernement seul, ce n'est pas au président seul, pour qu'effectivement cette situation, à un certain moment, ne soit pas une situation intenable ou qui ne peut pas avoir de solution à un moment donné. Et malheureusement, du jour au lendemain, les choses s'aggravent. Là, on a dit qu'il faut produire beaucoup, qu'il faut planter le café, le coton, mais dans cette période de soudure, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'il y ait des solutions. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les veuves ayant perdu leur mari et leur bien pendant la crise de 1972 réclament des indemnisations auprès de la Commission Vérité et Réconciliation. Cette requête a été exprimée par la représentante de l'Association des veuves orphelins pour la défense de leurs droits. C'était lors d'une conférence débat organisée ce jeudi par la CVR sur les violences faites aux femmes et filles pendant cette crise. Pierre Claverne-Laïcharié répond que ces veuves seront soutenues quand sera promulguée la loi autorisant la CVR à poursuivre les l'activité de ce qui était la Commission nationale des terres et autres biens. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. Lors de cette réunion qui a été organisée par la Commission Vérité et Réconciliation Sévère à l'intention des représentants des différentes institutions étatiques et les acteurs politiques, Pierre Claver Nahimana, qui a représenté le parti Sawanya Frodebou, a donné l'exemple de sa tante maternelle qui était mariée par un militaire sauvagement tué et les biens qui ont été spoliés. Pour que ce genre de violence n'apparaisse plus au Burundi, il suggère au gouvernement de renforcer l'état de droit. Il faut renforcer dans nos législations des dispositions qui protègent les femmes, les jeunes filles et les enfants. Ce sont les faibles qui subissent le plus. Donc on sait très bien que les femmes, les jeunes filles, les enfants. Et pour cela, il faut renforcer l'état de droit au Burundi avec des institutions fortes pour vraiment affirmer qu'il faut faire tout pour protéger la dignité de la femme au Burundi. Quant à Kabushemeye Ntamwana Epiphany, qui a représenté l'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits, elle demande à la CVR d'indemniser les veuves victimes de cette crise du fait que beaucoup d'entre elles sont actuellement vieilles. À cela, Pierre Claver Ndaïchalier, président de la CVR, l'époque où ces veuves seront soutenues lorsque la loi portant l'intégration des anciennes activités de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, dans l'émission de la CVR sera promulguée. Si tout va bien, au niveau du Parlement, nous sommes au courant que le projet de loi CVR qui va intégrer les anciennes activités de la CNTB vont être confiées à la commission CVR. Où est l'indemnisation? Où est la compensation? Où est la réparation? Où est la réhabilitation des victimes? C'est tout ce chantier-là qu'on nous demande de décortiquer. On doit passer par la vérité. Si on parle d'une maison, d'une veuve de Gitega, quelle maison? Où se trouvait-elle? Qui est le nouveau propriétaire? Quel est le propriétaire légal, initial? Si une maison a été vendue 10 fois, 6 fois, est-ce que cette vente a respecté la loi? C'est toutes ces questions-là qu'on va attaquer bientôt quand on aura la nouvelle loi qui nous confie les anciennes missions de la CNTB. Le président de la CVR a profité de cette occasion pour affirmer que les moyens financiers au sein de cette commission sont considérablement diminués et il a demandé aux représentants des différentes institutions étatiques présents à cette conférence de plaider à leur faveur auprès du gouvernement. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. L'âge de la retraite dans les secteurs dont les emplois présentent des particularités d'expertise, notamment l'enseignement, la santé et la recherche, peut aller au-delà de l'âge légal sans dépasser les 70 ans, compte tenu de l'article 4 de l'ordonnance conjointe du ministre de la fonction publique et du ministre de la Solidarité nationale, ordonnance datant du 29 février cette année. Mireille Kanyang pour les détails. Cette ordonnance porte dérogation à l'âge obligatoire de cessation de service et elle est composée de 5 articles. L'article 2 rappelle l'âge normal de cessation de service qui est fixé à 60 ans. Cet âge est ramené à 55 ans pour les travailleurs œuvrant dans des conditions particulièrement pénibles pouvant occasionner une usure prématurée. Les emplois visés sont notamment ceux exécutés dans les mines sous de très hautes ou basses températures, dans les profondeurs, ceux comportant le soulèvement de lourdes charges sans manutention mécanique ou d'autres conditions excédant les normes. L'employeur est tenu d'informer le travailleur de ces conditions à la conclusion du contrat. Selon l'article 3, après entente avec l'employeur, une retraite anticipée peut être accordée au travailleur qui le sollicite. Il bénéficie des avantages éventuels de départ à la retraite prévus par le règlement d'entreprise. L'article 4 stipule dans les secteurs dont les emplois présentent des particularités d'expertise, notamment l'enseignement, la santé, la formation, la recherche, l'industrie du commerce et la communication, l'âge de la retraite peut aller au-delà de l'âge légal sans dépasser 70 ans. Les modalités de cette prolongation seront précisées dans le règlement d'entreprise. Mireille Kanyang et certains habitants de la colline Ngongé en commune Muruta de la province Kayanza disent que le bois de chauffage leur manque jusqu'à ce qu'ils se voient obligés d'utiliser de l'herbe pour la cuisson des aliments Au niveau du bureau provincial en charge de l'agriculture et élevage et protection de l'environnement, l'on indique que ce manque de bois de chauffe est dû au déboisement des espaces forestiers par les agriculteurs à la recherche des surfaces cultivables. Patrick Saint-Guillaume. Les habitants de la colline Ngongé en commune Muruta contactés à ce problème du manque du bois de chauffage sont principalement des femmes qui disent que de retour en provenance des champs et les ramassent de la paille en cours de route et arrivées à la maison et les font recours aux chiens principalement pour la cuisson des aliments. D'autres disent que les enfants sont obligés de se rendre dans des forêts à la recherche de la brindille. Ces femmes de Ngongé font savoir que le problème du manque du bois de chauffage à Ngongé émane principalement aux espaces forestiers qui ont été dévastés ces dernières années par les agriculteurs à la recherche des terres cultivables et ce, d'après elle, à cause de la surpopulation en province Kayanza qui est à l'origine de l'exiguïté des surfaces cultivables. Les habitants de la colline Ngongé à Muruta trouvaient que si les jeunes surtout étaient sensibilisés sur le reboisement des forêts, ça serait l'un des moyens de pallier provisoirement à ce problème du manque du bois de chauffage. Au niveau de la direction de la protection de l'environnement agriculture et élevage à Kayanza, on dit être au courant de la situation liée au problème du manque du bois de chauffage pour la population, surtout même que le prix du charbon continue à monter d'une façon exorbitante dans cette province. Adalan Nyonsawa, directeur de ce bureau, indique que des sensibilisations auprès de la population sur le reboisement des espaces forestiers ont déjà commencé, surtout en les sensibilisant de planter des essences agroforestières. Signalons que le problème du manque du bois de chauffage se fait remarquer en province Kayanza au moment où le prix d'un sac de charbon a passé de 30 000 à 50 000 dans une période et ne dépassant pas 5 mois seulement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Une brève en internationale africaine, la présidente du Parlement en Afrique du Sud, Nosi Viwe Mapi-Sankakula, a été arrêtée tôt le matin de ce jeudi 4 avril 2024 après s'être rendue d'elle-même à la police dans le cadre d'une enquête pour corruption sur des faits remontant à l'époque où elle était ministre de la Défense. Elle devait être présentée devant un tribunal de Pretoria la journée de ce jeudi. La semaine dernière, les procureurs ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'inculper la présidente de l'Assemblée, l'accusant d'avoir reçu environ 135 000 dollars en pot de vin d'un entrepreneur pendant ses 3 années en tant que ministre de la Défense. Elle aurait reçu les paiements entre décembre 2016 et juillet 2019, alors qu'un autre pot de vin d'un montant de 105 000 dollars n'a pas été versé. L'Afrique du Sud est à 2 mois d'élections législatives cruciales. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.